Pour du plaisir garanti, c'est au club de golf de Chibougamau qu'il faut aller. Que ce soit pour une partie à la journée ou pour devenir membre, le club de golf de Chibougamau est l'un des plus beaux clubs dans la région, avec la qualité des verres qui fait l'envie de plusieurs clubs. De plus, nous offrons la salle pour vos différentes réceptions. Appelez sans tarder au 418-748-4709. Le club de golf de Chibougamau est très heureux de participer à la chronique du directeur général Michel Lallemand et souhaite une bonne année aux différents golfeurs du circuit. C'est la dernière chronique de l'année avec notre ami Michel Lallemand. Encore une fois, ça a toujours été le fun de collaborer avec, fidèle à son poste. Salut Michel! Bonjour Danny! Michel, fidèle à ton poste, c'est toujours le fun de collaborer avec toi. On n'a pas des super de grosses codes d'écoute, mais c'est pas grave, je m'en fous, c'est le fun. Ben, c'est sûr qu'on n'a pas les codes d'écoute du lac Saint-Jean parce que t'es moins connu ici. Ouais. Par contre, plusieurs personnes m'en parlent. Puis ceux qui l'écoutent, en tout cas, sont bien intéressés des propos qu'on transmet de semaine en semaine. Ben, c'est le but, c'est de donner les nouvelles du club de golf, là. C'est de Chibougamau, là. Puis l'autre chose, c'est les gens, ça leur permet aussi de comparer avec les trois terrains Dolbeau, Saint-Prime et Chibougamau. Ouais, effectivement. Les activités, la façon que ça fonctionne, puis un petit peu la mentalité qu'on a, chacun de notre côté. Donc, Michel, là, c'était la dernière semaine, on va commencer avec le tournoi de fermeture, avant d'y aller avec le bilan. Oui, bien dans le fond, le tournoi de fermeture qu'on a eu la semaine dernière, 64 participants, très très belle participation. C'est un tournoi amical, une équipe de deux. On a eu quand même de très bons résultats. Encore une fois, Marc-Olivier Bougie qui a tiré son épingle du jeu. Il est en compagnie de Serge Drolette, qui ont joué 65. Okay. Les plus proches les suivants étaient à 71. Okay. Donc, on voit l'écart entre les golfeurs. En classe 2B, Jacques Fillion, Denis Desgagnés, 70. Mm. En classe B, l'équipe de... En classe senior, l'équipe de Normand Baudry et Bernard Vincent avec 71. Et chez les dames, T'as de la misère à aller. J'avais pas sorti ma feuille. Bon, OK. Lise Marcille, Diane Vincent, 78. Donc, belle performance. Donc, il a fait beau. Les gens se sont amusés. On a terminé ça avec un beau souper. Soirée d'ensemble. Le président qui a fait un petit laïus sur les bons côtés de la saison. Bonne participation. Même si chez nous, on n'a pas beaucoup de visiteurs, en nombre de parties jouées, ça devrait représenter environ 12 à 15 % de plus de parties jouées en fonction de la température, évidemment, qu'on a eue. Donc, on est bien, bien satisfait. Puis au niveau financier, on va atteindre nos objectifs de début de saison. Ouais. Là, donc, tu parles, t'es déjà rendu dans le bilan, là. T'es pas juste rendu dans le tournoi, non, là. Non, je suis dans le bilan, là. OK, OK. J'ai donc. C'est ça, en disant que notre président est intervenu sur la saison. Fait que c'est des éléments positifs. Ouais. L'autre gros élément très positif, 190 membres chez nous pour un trou, dont 148 adultes. C'est, hors de proportion, on est toujours très renversé, puis bien heureux de la réponse des gens de Chibougamau pour le golf. Michel, évidemment, t'auras beau mettre de la publicité n'importe quand, s'il fait pas beau, il n'y a pas grand-chose à faire, hein? Ah non, c'est une activité estivale, puis c'est une activité d'été, donc avec la température d'été. Comme on l'a eu cet été, on n'a pas eu beaucoup d'achalandage supplémentaire. Ouais. Par contre, nos membres ont joué, puis ont joué dans un sourire quotidien, si on peut dire. Oui, effectivement. Quand tu finis de travailler, tu as fait ta journée, tu sors, il est 4h30, 5h, puis il fait 12-14 degrés. T'as pas le goût vraiment de venir au golf. Non. Mais quand t'as passé la journée à l'intérieur, t'as vu un beau soleil toute la journée, tu sors, il fait 20, 21, ah ben là, les gens s'en viennent jouer avec le sourire puis avec le goût d'en profiter. C'est ce qu'on a vécu tout l'été. Ah oui, effectivement, puis c'est partout, hein. C'est partout, partout, partout, les sites touristiques, les commerces, ça va loin, là, le beau temps, là. Ça va très, très loin, là, puis bravo, puis coudonc, c'est encore une belle année. Michel... Oui, mon ami, si... et on est bien satisfait. Ouais. Si on parlait, Michel, maintenant, du côté des nouveautés, est-ce qu'il va y avoir des nouveautés l'an prochain? Il est un peu tôt pour l'envisager, sauf qu'on a certainement un projet de plantation d'arbres d'une façon plus importante que les années passées pour nous permettre de corriger là, des petites lacunes qu'on a au niveau des allées de ce côté-ci du parcours. Okay. On a beaucoup d'allées qui sont un peu trop larges à notre goût, et donc on va possiblement là au printemps, en collaboration avec la plantation des Kiwanis, faire un boom pour rajouter là, plusieurs dizaines d'arbres. OK, OK. Donc, ça fait pas mal le tour pour cette année. Aussi, ben, faut parler de Pierre-Alexandre. Oui, mon ami, ça fait le tour. Faut parler de Pierre-Alexandre Bédard aussi en terminant. Encore une année, mais c'était une année en deux temps, je dirais. Pierre-Alexandre a connu un bon début. Ben, là, à la fin de la saison, ça a l'air plus difficile un peu, hein? Mais c'est comme j'ai toujours dit, ça prend pas grand-chose, non, hein? Non. Deux, trois mauvais trous, puis... La différence est là, tu fais pas la cote. Ouais. Et donc, le tournoi qui est terminé hier au circuit PGA Canada, il est invité grâce à sa victoire et à sa bonne performance l'année passée à Calgary. Alors, avec tous les professionnels du Canada, il a terminé en 10e place. Une excellente performance à moins 9 pour 3 rondes de golf. Pour Pierre-Alexandre. Effectivement. Donc, on se parle l'année prochaine encore, Michel? Ça va être avec un grand plaisir, Danny. Merci beaucoup pour ta collaboration. Yep. C'est très apprécié. Il n'y a pas de problème. Donc, Michel Allemand, le directeur général du club de golf de Chibougamau.